Salut les amis. Salut Charline. Oh, trop chouette l'invité d'aujourd'hui. C'est qui? Bah, c'est Juliette. Mais pourquoi on reçoit une chroniqueuse? Mais non, c'est Juliette. Oui, mais c'est quoi son actu? Elle organise un apéro Mais non, Juliette, la chanteuse. Juliette, j'adore. Elle vient pour un nouveau disque. Non, elle vient parler de jeux vidéo. Pardon? De jeux vidéo. Voilà, moi je vais aller me recoucher. Non, non, mais c'est quoi l'idée quoi? Elle crée un jeu où on tire à la mitraillette sur des vieux chanteurs français. Après Lara Croft, Juliette va vous débarrasser des yéyés. Attention, Richard Anthony, il n'entendra plus siffler le train. Non, non, Alex, non. Non, mais c'est quoi alors l'idée? C'est la présidente du fonds d'aide aux jeux vidéo. Voilà, bah, moi, j'aime bien l'idée d'Alex quand même. Ah, comment ça? Ouais, si on pouvait tirer sur Sheila Ringo, je crois que j'aimerais ça. Oui, bah, c'est ça. Mais t'en parleras à Juliette, peut-être qu'il y a des subventions pour ça. Et je vois le jeu, elle t'arrive sur le plateau des Carpentiers, tu lances la grenade. Comment il explose. Alex, calme-toi. Les jeux vidéo, c'est pas toujours violent. Ok, mais quand même, Call of Duty, mais version musique. Après, on ferait aux States, on tirerait sur Roy Orbison, sur Little Richard, on tirerait sur John Lennon. Non, pas ça, c'est pas une bonne idée. Ouais, ça a déjà été fait. Ouais. Bon, de toute façon, on va pas faire toute l'émission sur les jeux vidéo, donc allez, on trouve des sujets. Des sujets. Ben, dans Slate, il y a un article sur le retour de la variété française. Génial pour mon jeu. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on prend. Allez, attention, t'es attaqué par Nana Mouskouri. Non, mais ça va pas ou quoi, non? Je suis trop dans le jeu. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui décapsule l'actualité avec les dents. Et faut filer prof à formation que vous pourrez taper. Fais le lampif, vu Fairy Weaver. Les effets spéciaux, c'est formidable. Formidable. Quelle production. La jeunesse, la fraîcheur, le renouveau. Hillary Clinton sera la candidate démocrate. C'est la grande surprise de cette primaire américaine. Même Donald Trump est surpris. Oh mon Dieu tout puissant! Envoie-moi des grenouilles, des taux, des sauterelles, n'importe quoi, mais pas elle. Les hautes autorités de ce pays ont compris depuis longtemps qu'ils devaient parfois quitter leur tour d'ivoire. Comme Hollande, Valls ou Macron, ils partent au contact des gens. Le problème, c'est que ce sont de vrais gens. Excuse me, you talking to me? Oui. You talking to me? Oui, oui, je parle de toi. Ouais. Les compilations hommages et les reprises sont peut-être en train de réhabiliter la variété française. La preuve, son public est de plus en plus exigeant. Non, non, Fabienne, non, je ne partirai pas tant qu'il n'aura pas chanté, cassé la voix. Je ne partirai pas tant qu'il n'aura pas chanté, cassé la voix. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés le seul humoriste de France que l'émotion étreint lorsqu'il écoute. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. C'est Alex Vizorek. Magnifique, parole de Guy Carlier, si je ne me trompe pas. Et quelle autour, culture, et évidemment, autour de la table, une belle équipe 17h20. L'homme. Coup de bol sur coup de bol depuis le début de l'année. L'homme qui entend des sons et les transforme en philosophie. Un peu comme BHL, sauf que lui a été trop bercé à la musique militaire. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les autres. De quoi on parle? Bonjour le reste. Bonjour le reste de la France. Aujourd'hui, je vais pas vous parler d'une artiste de variété, je vais vous parler d'une artiste qui est même pas signée dans un label, mais surtout du procédé grâce auquel j'ai découvert cette artiste. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en... Non. Elle s'appelle Kaja Bonnet et je parlerai des curateurs. Très bien, 17h30, l'homme qui fait parler la France et les Français et les transforme en philosophes. Des philosophes qu'on a parfois envie d'entarter aussi. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les autres, hein, comme dirait André. Moi je suis allé à l'Assemblée aujourd'hui pour parler d'une proposition visant à limiter le nombre d'élus condamnés par la justice. J'ai donc interrogé les députés. Il y a 99% de gens honnêtes, au moins. Je pense que le on est sur des chiffres. C'est pas les chiffres. Non, c'est pas les chiffres. Hein. Clairement, c'est pas bien les chiffres. Là. Et 17h40, la femme qui lit des livres et les transforme en élixir. Un élixir à 40 degrés qui se mélange très bien avec le jus de pomme. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Bah, puisqu'on reçoit une grande chanteuse, je vais vous parler d'une autre grande chanteuse. Sacrée grande chanteuse. Je vois la couverture du bouquin, c'est une sacrée grande chanteuse. On est impatients. Car celle qui a tout annulé pour présenter cette émission est née sous De Gaulle. Vous êtes repérée sur la scène ouverte du Printemps de Bourges. En 85, l'année où toute la France découvre les Rita Mitsouko. Vous sortez votre premier album Quétal en 91, quand Pedro Almodovar propose Talon Aiguille. Et vous êtes la révélation des victoires de la musique en 97, quand chez les professionnels, Florent Pagny chante Savoir Aimer. Vous êtes. Il faut que je dise mon nom. Oui, Juliette. Ah, mais oui, mais voilà, mais trop bien. On en a deux. Ah, oui, c'est ça. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. car vous présidez depuis un mois le fonds d'aide aux jeux vidéo, un fonds d'aide géré par le CNC, le Centre National du Cinéma. Oui, de la cinématographie. Et des images animées. D'où le jeu vidéo dedans. Donc le jeu vidéo. Et le ministère de l'Industrie, précisez-le. Ah bon ? C'est le ministère de l'Industrie et le CNC. Donc c'est, on n'est pas dans des trucs où on rigole. Hein, il se réappelle l'industrie. Donc. Oui, bah, imaginez-vous que la première chose que j'ai demandé, c'est, là, c'est si ça s'appelait toujours redressement politique. Je suis sûre que c'est fait exprès pour se foutre de la gueule de Montebourg. Vous avez jamais pensé à ça ? Parce qu'ils sont coquins quand même. Hollande, il est un peu coquin, non ? Il est coquin. Il aime bien les blagues. Il aime bien. Et quand même, redressement productif. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a un pays au monde où il y a un ministère du redressement productif ? Et en plus, on a Montebourg, qui est quand même un garçon. Redressé. Disons, connu pour sa liberté de redressement. Il y a des auteurs. Il y a des deux auteurs, mon avis. Mais qui est ministre de l'Industrie, là, en ce moment ? C'est pas Monsieur Macron, tout simplement. D'accord. Eh ben, il fait tellement de trucs qu'on est perdu. Alors, le jeu vidéo, Juliette, vous, donc, je rappelle, vous présidez le fonds d'aide aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, donc, c'est de l'art et un art proche. Peut-être aussi de la cinématographie ? Ah bah évidemment, forcément, parce que ça raconte des histoires, il y a des images animées, il y a du texte, il y a du scénario, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de sortes de jeux vidéo. Il n'y a pas qu'un genre, il n'y a pas que des jeux de guerre, il n'y a pas non plus que des jeux casual, comme on dit, c'est-à-dire les petits jeux qu'on joue sur son smartphone dans le métro pour passer le temps. Il y a plein de choses, il y a des écrans, il y a de la musique, il y a de la musique, il y a du mouvement, il y a des décisions que vous pouvez prendre et vous êtes un acteur à part entière. Mais comme on peut être aussi un acteur quand on lit un livre, quand on regarde un film, on a aussi une part de son imagination qui travaille et qui doit jouer là-dedans, en fait. Et c'est assez faramineux tout ce qui s'y passe aujourd'hui dans le jeu vidéo. Il n'y a pas, encore une fois, si on aime les belles histoires romantiques, etc., il y a des jeux vidéo pour ça. Si vous aimez le football, bah, évidemment, il y a des jeux vidéo pour ça. Ça, par contre, alors c'est un des trucs assez étonnants. Je vais vous dire une chose. Je sentais que j'aimais. Parce que, oui, vous alliez aimer toi dessus. C'est un truc assez étonnant parce que chaque fois que l'humanité invente un nouveau procédé de communication, vous remarquerez assez rapidement, il y a du cul dedans. Le cul qui est leader. Un petit peu. Quand on invente la photo, il ne faut pas très très longtemps avant qu'ils prennent des gonzesses à poil. Quand on invente le cinéma, c'est la même chose. Et le jeu vidéo, évidemment, ça a suivi. Il y a eu des tentatives, mais ça ne marche pas. Ah bon ? Non, les jeux vidéo de cul, ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est parce que les jeux vidéo de cul ne sont pas intéressants ou est-ce qu'ils ne répondent pas encore à quelque chose, justement, ou c'est trop ou pas assez, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est clair que dans les jeux vidéo qui ont été tentés comme ça, un peu pornographiques, etc., ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire sur la longueur, c'est difficile. Il la prépare depuis un certain temps. Évidemment. Mais donc, il y a un fonds d'aide, etc., il y a des créateurs, il y a des narrateurs, il y a des artistes. Il y a plein de choses. Ces gens, vous avez commencé évidemment à les fréquenter, à les écouter, à voir les aides dont ils ont besoin. Ils déposent des dossiers. Hein, moi, je suis arrivé là-dedans hein, tout excité en me disant « Chouette, ils vont me passer des jeux vidéo, je vais tester. » Zéro pointé. En fait, au niveau ludique, je me rassois dessus parce qu'en fait, c'est un petit peu des dossiers. Quoi. C'est surtout du papier. Il y a des maquettes, des choses comme ça. Mais enfin, on en est au stade zéro du projet, en fait, à l'invention même. Donc, c'est souvent encore scénarisé sur papier, présenté, etc. On a des gens avec nous aussi. Je ne suis pas toute seule dans la commission. Donc, il y a des gens qui sont plus techniques, d'autres qui sont plus marketing, donc, etc. On va voir tout ça parce que l'idée, c'est de... La défense qu'on a, nous, au fond d'aide aux jeux vidéo, c'est de permettre aux jeunes studios de garder leur propriété intellectuelle. Parce qu'en général, quand on crée un jeu vidéo, on va se faire éditer chez un éditeur qui ensuite ramasse évidemment les droits et aussi garde la propriété intellectuelle. C'est qu'au bout d'un moment, votre création vous appartient. Comme en musique. D'où l'expression « va te faire éditer ». C'est un petit peu comme en musique, mais en différent, parce qu'en musique, on est un chanteur, on a des musiciens autour, on reste dans un domaine de compétences assez proches les uns des autres. Là, ça met en jeu tellement de métiers différents. Parce que vous avez effectivement des gens qui sont techniciens, informaticiens, programmateurs. Il faut des graphistes, il faut évidemment des scénaristes, c'est le mieux quand il y a tout le monde. ça fait bosser des marketeurs, etc. Donc ça fait bosser un max de gens qui n'ont pas forcément le même métier, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils aiment bien le fun du jeu vidéo. En fait, la base, c'est ça, quoi. Ils et aiment voilà bien jouer. L'existence donc du fonds d'aide aux jeux vidéo, dont Juliette est la présidente, et qui est donc gérée par le CNC, hein, le Centre National de la Cinématographie. Juliette est avec nous jusqu'à 18h, puis on parlera un peu de votre actu aussi, parce que vous allez mettre en scène François Morel bientôt. C'est fait, c'est fait. Ah, voilà. Je vous dirai tout après. Mis en scène. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, what's so true? I love you. Marvin Gaye sur France Inter, où nous sommes en compagnie de Juliette. Juliette qui préside le fonds d'aide aux jeux vidéo et qui nous explique que les jeux vidéo, c'est des budgets colossaux, puisqu'il y a Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Voilà. Et puis Juliette, dans votre actualité, vous avez mis en scène le prochain spectacle de François Morel au Théâtre du Rond-Point. Absolument. Alors, le spectacle a été créé à La Rochelle en janvier. Là où on a fait la mise en scène. Ouais. Il a été joué un petit peu en tournée. Et puis François devait passer au rond-point avec, je crois, encore une reprise d'une de ses pièces, Les Habits du Dimanche. Et comme ce spectacle lui plaît beaucoup, il a dealé pour jouer son spectacle de chansons. À partir du 4 octobre. Alors il y aura son spectacle de chansons au rond-point. Et il est assez furieux quand même, il faut le dire. Bon, vous connaissez François. Hein, et puis vous, Juliette, vous êtes en tournée, évidemment, pour 2017. Et votre dernier album, Nour. Oui, mais alors ça, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que je vais repartir en tournée, mais avec... non pas avec un album, mais avec de nouvelles chansons. Et on fera l'album après. J'ai envie de travailler dans ce sens-là, parce que j'en ai marre. C'est plus logique dans le fond. Oui, parce que j'ai envie de faire vivre les chansons un petit peu avant de les enregistrer, et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc là je vais en profiter. Par contre, dans l'actualité discographique, normalement il y a l'intégrale de mon œuvre. L'intégrale de mon œuvre enregistrée aujourd'hui, parce qu'il y en aura d'autres, j'espère. Qui va sortir en octobre, voilà. Donc avec quelques inédits, des rééditions de vieilles galettes, enfin, etc. J'adore dire ça. Oui, vous avez précisé que j'étais né sous De Gaulle, donc effectivement, mes premiers 45 tours seront édités. Juliette est avec nous et prenons un petit peu de recul sur l'actualité, l'information vue de très très loin. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Le mouvement social à la SNCF en est à son 8e jour. Oui, 8e jour de grève du rail. Oui, Frédéric Becbédé réclame l'arrêt immédiat de cette grève du rail. Roselyne Bachelot a fait une blague hier sur le plateau du Grand 8. Ah, elle a dit qu'elle avait un vaccin contre la grève. Il y aura ça, des brèves aussi. Oui, bah oui, on a toujours pas trouvé ce vaccin-là, non, contre la brève. Et donc la France est en pleine crise de nerfs et un homme est totalement absent des médias. Oui, mais nous l'avons retrouvé, cet homme absent, c'est Alain Juppé, il est avec nous. Oui, je suis là. Oui, monsieur Juppé, vous êtes donc le seul à ne pas encore avoir commenté l'actualité sociale brûlante. Écoutez, je suis très occupé, Bordeaux, les beer pong, l'été dansant avec des vieilles dans les maisons de retraite. Oui, ça se passe bien. Formidable, je suis très enjoué. Oui, comme d'habitude. Quoi. Oui. Voilà, à propos de la crise sociale en France, vous avez peut-être envie de vous exprimer. Non, je dois vous j'ai cours de Zumba, là, je travaille mon swag. Non, mais monsieur Juppé, peut-être que la France veut vous entendre, enfin. Écoutez, c'est au-delà de mes forces d'en parler, et ça me rappelle trop 95, trop de choses remontent à la surface. Qu'un Premier ministre puisse gérer le pays aussi mal que moi, ça me déprime. Voilà, je dors mal, je rêve que Hollande va dissoudre l'Assemblée, je suis pas prêt. Oui, voilà, d'accord, qu'est-ce que vous conseillez à Manuel Valls alors de... Écoutez, de disparaître une quinzaine d'années, d'aller chasser le caribou au Québec, et puis comme ça, il aura une chance d'être président au moins. Très bien, merci, monsieur voilà, Juppé. Je vous en prie, je vais me recoucher, j'ai pris deux Valium il y a 20 minutes. D'accord, très bien, on passe à la suite. Oui, Euro 2016, le gouvernement lance une application, appli smartphone, alerte attentat. Et inspiré par cette initiative, Europe Écologie Les Verts lance une application, alerte attentat à la pudeur. Téléchargez-la. Attentat toujours avec ce retour sur les attaques du 13 novembre à Paris. Oui, une fausse victime. Fausse victime. Ouais, a tenté de toucher 20 000 euros. Ah, on a des nouvelles de Jeanne Bougrabe du coup. Thomas Thévenoud a rempli sa déclaration en ligne, il l'a prise en photo, oui. Il l'a publiée sur Twitter. On va quand même attendre de voir si, comme Juppé, il ne porte pas plainte pour piratage de son compte Twitter. Mais on va voir. Une info Mediapart. Oui, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise. Alors, un bug a privé Nicolas Sarkozy de son allocation d'ancien chef d'État pendant 2 ans. Mais la bonne, ça s'est réparé. C'est bon, on est rassuré. Oui. International, États-Unis, Lady Gaga prend position pour Clinton. Ah bah, à quatre pattes, du coup. Non, pas pour Bill, pour Hillary Clinton. Oui, pardon. Bah, oui, Clinton, pardon. Une femme a été nommée à la tête du commandement militaire de l'OTAN à Naples. C'est un bon choix. C'est grâce à une femme, militaires peuvent aller que de l'avant. Oui, vous êtes pro-féministe maintenant. Non, enfin, je veux dire, si elle conduit le tank, on risque pas d'aller en marche arrière ou faire des créneaux. D'accord, ça m'aurait étonné. Télévision. Pardon. Télévision. Oui, pardon. Télévision. Il a dit pardon. Télévision. Échappé. Sur le plateau du Grand 8, comme ils ont la chance d'avoir une ancienne ministre de la République comme chroniqueuse, Roselyne Bachelot, et elle observe une de ses collègues qui présente une table de jeu multifonction. C'est une table 4 en 1, c'est-à-dire qu'elle se transforme en table de billard, elle se transforme en table de ping-pong, et elle se transforme... C'est bien pour celles qui préfèrent jouer avec les queues. Voilà, quand je pense que certains politiques nous reprochent de rabaisser la fonction politique, certains n'ont pas besoin de nous pour ça. Bah, termine par une brève. Oui, Gers, un prêtre soupçonné de viol sur une septuagénaire. Non, bah, Alex, ça c'est dingue quand même. Ça, disons pas... que c'est pour une fois qu'un homme d'église lutte contre les clichés. Ah oui, donc ça, vu comme ça va. Très bien. Allez hop. C'est vendu. Vous êtes sur France Inter, de toute façon, hein, oui. Avec Juliette, et on va aborder le premier sujet avec vous. Hillary Clinton sort victorieuse de la primaire démocrate américaine dans la monarchie des Clinton. Je demande donc la reine mère. Mais certes, c'est une femme. C'est un pas en avant, mais elle occupe le devant de la scène aux États-Unis depuis 93 et la Maison Blanche. Donc, qui est donc vraiment Hillary Clinton? On le sait, hein, réponse. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame. Alex, c'est vous qui avez choisi. About United States, Michael Sardou est avec nous. Juliette, tout d'abord, est-ce que vous trouvez important ou pas de suivre de si près la présidentielle américaine, ou c'est un sujet qui fascine davantage les médias que le réel intérêt qu'il présente? Écoutez, à partir du moment où on présente les États-Unis comme les gendarmes du monde, je suis assez, en tant que citoyenne du monde, intéressée par savoir qui c'est qui dirige la gendarmerie. Voilà. C'est tout. Et donc, vous êtes ça m'intéresse. Vous êtes pour une gendarmette, alors. Disons que j'aurais bien. Je suis assez contente que Bernie Sanders ne lâche pas l'affaire jusqu'au bout. Ouais. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il continue quand même, imperturbablement. Il vous a séduit, Bernie Sanders? Je trouvais qu'il a, il a des discours assez intéressants, enfin, de ce que j'ai pu en voir, évidemment traduit, parce que je suis pas assez anglophone pour pouvoir suivre ça en direct. Voilà, bon, ce personnage m'a semblé intéressant, justement, parce qu'il mettait une dose de vraie gauche dans la politique américaine, ce qui manque quand même un peu considérablement. Mm-hmm. Ils ont découvert ce que c'était. Hein, voilà, ils ont découvert un petit peu ce que c'était que des propositions de gauche. C'est, voilà, puis c'est le truc de dire on va changer des choses vraiment, quoi. On va pas continuer comme ça indéfiniment parce que on a vu que ça marchait pas trop et que c'est effectivement des clans. Ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des clans aux États-Unis. Hein. On a eu Kennedy, merci. Les Bush. Voilà, les Bush. Ouais. Donc oui, ça fonctionne par ça fonctionne par comme monarchie, ça, enfin, ouais, ouais, etc. Il y a juste à espérer qu'ils installent pas un clan Trump parce que franchement. Si, le moment où il y aura Ivanka, ça sera sympa. Oui, ça sera... si, ah ouais, tu penses. Donc, vous regardez un petit peu l'évolution du gendarme et entre du gendarme du monde. Et donc, les Américains vont avoir le choix entre Trump et Hillary Clinton. Je pense qu'il n'y a pas de choix. Pour moi, il n'y a pas de choix dans une situation comme ça. C'est-à-dire que je serais américaine, citoyenne, avec le sens de mes responsabilités d'aller voter. J'irais évidemment voter pour Hillary Clinton, même si je trouve qu'à plein d'égards, elle est discutable pour plein de raisons, etc. Mais enfin, comme elle a dit, je pense que son meilleur discours, pardon d'être un peu sérieux, mais enfin son meilleur discours, c'est quand elle a parlé de Trump en disant non mais sérieusement, vous imaginez ce mec à côté du bouton qui déclenche l'arme nucléaire. Et elle a jamais été aussi bonne que là. J'avais été autant saluée que là parce qu'elle a pris le truc en face, quoi. Et j'adore toujours les gens qui cherchent pas à faire des circonvolutions et qui disent les trucs blam, hop direct. Parce que c'est vrai en fait. Vous imaginez ce mec à côté du bouton qui déclenche la guerre nucléaire, Trump. Bah ça c'est vu l'état de nervosité de ce garçon. Ça c'est un beau scénario de jeu de vidéo très très violent. Moi j'ai adoré votre scénario de jeu vidéo par contre. Il est bien pour les la conférence de rédaction. Ah ouais, désinguer la je vais rendre un dossier. La chanson française ça peut être assez sympa. Alex va rendre un dossier au fond d'aide aux jeux vidéo du CNC. Et moi je serai dans le premier niveau parce que je suis assez facile à viser. Juliette, vous kiffez le jeu vidéo, c'est une passion qui s'est déclenchée comment? Bah, la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, en fait, il y a très longtemps, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique. D'abord pour l'informatique musicale, comme beaucoup de musiciens, j'ai commencé avec un Atari, parce qu'il y avait des prises MIDI sur l'Atari, on pouvait faire de la musique directement. Et puis effectivement, il y a un copain qui m'a passé une disquette avec un jeu piraté, le premier. Oh, j'ai honte. Et puis, je suis tombée dedans, quoi. Ah ouais, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. And André Manoukian. Yes, ouais. Je vais pas vous parler de jeu, je vais vous parler de robot. C'est l'histoire d'un robot qui fabrique des playlists et les envoie en automatique à ses clients. C'est l'histoire d'un journaliste musical, Sofiane Fanen, qui se demande pourquoi le robot lui a envoyé Kaja Bonnet, la chanteuse dont je vais vous parler, en étant à peu près sûr que ça allait lui plaire. C'est l'histoire d'un nouveau monde qui a commencé, où les robots appliquent sur nous la devise de Socrate, connais-toi toi-même. Sauf que les robots nous connaissent mieux que nous-mêmes, puisqu'ils anticipent nos décisions et nos désirs. C'est l'histoire d'un chroniqueur poilu qui sévit deux fois par semaine à 17h30 dans la meilleure émission du PAF où l'intelligence le dispute à l'humour et à l'impertinence. Chroniqueur abonné au jour.fr, excellent site d'information qui traite l'actu. Et alors les bijoux bâtis, non, c'est pas la même. Des huit, qu'est-ce que vous faites d'accord? Une série feuilletonnante avec rebondissement et cliffhanger. L'histoire d'un chroniqueur poilu donc intrigué par le titre du journaliste Sofiane Fanen, elle s'est faite toute saoule, lit goulûment l'article et surtout va écouter Kaja Bonnet répondant de manière pavlovienne à ce nouveau réflexe qui fait que nous avons désormais besoin de curateurs pour écouter de la musique, c'est-à-dire de prescripteurs qui nous guident dans la jungle foisonnante des musiciens et artistes, répondant à ce que René Girard appelle le désir mimétique ou triangulaire. J'ai déjà exposé cette théorie dans cette chronique. Un objet rendant une personne indifférente, soudain investi du désir d'un autre, devient désirable pour celui qui le regarde. Ainsi, Kaja Bonnet, chargée du désir de Sofiane, auteur de l'obsession La Fête du Stream, devient à mes yeux doublement désirable, puisque même sans le désir de Sofiane, je l'aurais désiré. Pourquoi ? Parce qu'il y a un trouble premier à l'écoute de Kaja Bonnet. Un charme au sens magique du terme. Le charme, c'est l'autre mot de sortilège. Il est donc question ici d'envoûtement, de sort, de sorcière, donc d'envoûté, de victime, vous, moi, même si je suis une victime consentante qui adore être charmée, vous le savez, Charline. À l'attention des visiteurs mal intentionnés sur le fronton de la riche villa, les patriciens romains écrivaient en latin « cave canem », craint le chien. C'est le « attention chien méchant des beaufs ». Cavé, Carmen, nous dit Jean Kelevitch. Non pas, ne crains pas la chanteuse Carmen. Carmen, ça veut dire le charme. Crains le charme. Le génial philosophe Jean Kay, qui avait la voix du père des Shadocks, évoquait, avec cette mise en garde, la défiance de Platon pour la musique. Car Platon n'aimait pas beaucoup la musique. Ah, oui, d'accord, Platon, je vais décevoir certains de ses fans autour de cette table. Alex, Platon trouvait que la musique ramollissait, qu'elle émoussait les sens, qu'elle enlevait toute virilité, qu'elle éloignait de la raison. Mais ça, quand t'écoutes dans une caverne, le son n'est pas bon. En bref, pourtant, il est meilleur le son dans une caverne. Eh ben non, non, non, Charlie, ne me lancez pas sur les cavernes, parce que justement, les hommes préhistoriques mettaient leur peinture rupestre là où ça sonnait le mieux. Donc ça veut dire qu'ils avaient le son et l'image. Mais pour écouter du Christophe Maé, c'est bien connu. Non, ça n'existait pas à l'époque. Ah, donc, à l'écoute de la musique, dit Platon, l'homme ravi à soi-même n'est plus lui-même. Il est tout entier, cordes vibrantes et tuyaux sonores. Il frissonne follement sous l'archet ou les doigts de l'instrumentiste. Moi, j'ajouterais que je frissonne sous les vibrations périodiques des cordes vocales des chanteuses. Me voilà à l'écoute de Katja Bonnet. Ravi à moi, donc, idiot. Ravi de la crèche, en somme. Ravi à moi, sorti de moi, expulsé de mon corps. En grec, extasis. Voilà la définition de l'extase musicale. Littéralement, on sort de son corps. Le responsable de cette sortie de corps, c'est un dieu. Le dieu de l'extase, Dionysos. Elle connaît Juliette. Le joueur de flûte, le joueur de pipeau, l'embrouilleur qui nous ravit à nous-mêmes et nous fait nous oublier pour mieux disposer de nos corps affolés. L'autre dieu, celui qui nous élève et nous porte à un niveau de conscience supérieur, c'est Apollon. Pour les Grecs, c'était les deux entités de la musique. Apollon, lui, il utilise les muses pour nous inspirer. Dionysos, il utilise les sirènes pour nous charmer et nous perdre dans l'eau de la libido. Alors notre Katja Bonnet, à quelle catégorie appartient-elle? Est-elle muse ou sirène? Vous le sentez, le suspense? Est-elle apollinienne ou dionysiaque? Eh ben, elle est au-dessus, excusez du peu, carrément, au niveau des déesses. Pourquoi? Parce qu'elle est maîtresse de son destin, qu'elle ne dépend que d'elle-même et qu'elle-même est à l'origine, comme Juliette, de sa propre création. Now and again I crave a lover's brew, despite the bitter note that follows through. Close my eyes and taste the fantasy, knowing well and good it does deceive. Dawn, it coaxes certain phrases out. Turn on the light, for magic burneth out. And in the dark, you'll see what's meant to be. There's only a marrow's error and a plea to fall. Katja Bonnet, elle est californienne. C'est magnifique, André. Merci, merci Tears Charlène. Tears for Lamont, une voilà. Découverte. Comment on fait pour l'écouter alors, Katja Bonnet? Eh ben, on va sur Spotify, on va sur Internet, on tape Katja Bonnet et on trouve, voilà, sur YouTube et tout ça. Elle n'a pas de label, elle est toute seule, elle fait tout elle-même, y compris les arrangements. Elle a appris à gérer Pro Tools, c'est un petit miracle, quoi. Katja Bonnet, donc, la proposition d'André Manoukian autour de cette table avec Juliette qui nous accompagne jusqu'à 18h. Toujours là. À la bonne adresse, c'est à France Inter, et à cette heure-ci, c'est le moment Meurice. Et oui, alors moi je vais vous parler casier judiciaire aujourd'hui. Alors, petit rappel, un casier judiciaire, c'est le document qui retrace vos antécédents avec la justice. Par exemple, si on s'intéresse à André Manoukian, on s'aperçoit que son casier judiciaire n'est pas vierge. En même temps, rien ne reste vierge très longtemps. À côté d'André Manoukian. Voilà. Alors, ne pas avoir un casier judiciaire vierge, ça vous interdit l'accès à plein de professions. Pas chroniqueur radio, heureusement pour André, et malheureusement pour notre jeune stagiaire qui est toujours en réanimation. Mais alors, ça vous empêche pas, par contre... C'est vous qui avez choisi ces stagiaires. C'est vrai, mais arrêtez ça vous empêche de projeter pas. Vos fantasmes sur calmez-vous, moi, Guillaume. Vous, André, calmez-vous, ne détournez pas l'attention. Je vous parlais du casier judiciaire qui ne vous empêche pas de vous présenter à une élection en France. Il n'est pas vierge. Par exemple, vous pouvez être député. Alors, je suis allé les voir ce matin à l'Assemblée pour leur faire part d'une pétition qui circule sur Internet. À l'initiative de l'ancien adjoint au maire d'Evry, Philippe Pascot, il souhaite l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour donc se présenter à un mandat électoral. Qu'en pense, par exemple, le député de Normandie, Hervé Morin? Pourquoi pas, enfin... Ouais, ça n'a pas l'air de vous brancher plus que ça. Je veux dire, enfin, on peut toujours en mettre plus. Les crapules resteront toujours des crapules. Vous pourrez mettre toutes les règles que vous voulez. Mais si elles n'ont plus le droit de se présenter, c'est pas mal. Si on veut se faire plaisir avec ça, on peut se faire plaisir avec ça, mais ça ne va pas changer la vie, quoi. Ça, bah, quand même, si. Beaucoup, alors. Bah, alors, Hervé, s'il y a bien un gars qui devrait être pour, c'est Hervé, enfin. Il n'a plus rien à perdre, Hervé. Il est président du Nouveau Centre. Il doit y avoir 4 adhérents au Nouveau Centre, dont sa cousine et son chien. Ça serait quand même malheureux que Toby, il ait un casier judiciaire. Bon, allons, Hervé. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas considérer quelqu'un qui a été jugé, qui a purgé sa peine, soit en quelque sorte condamné à vie. Ouais, c'est pas condamné. Grosso modo, vous en faites un exclu à vie du jeu du processus politique électoral. Bon, allez, je vois bien que ça te saoule, Hervé, Non, mais je le comprends. C'est vrai qu'en tant que président du Nouveau Centre, il doit avoir un emploi du temps chargé, Dès le matin, il doit... Voilà, même l'après-midi, il a des trucs. Alors bon, c'est pas grave, je vais aller voir un député d'un parti qui s'y connaît un petit peu en casier judiciaire, pas vierge du tout, les Républicains, bien évidemment, et son député Guy Delcourt. Alors qu'est-ce qu'il en pense de cette pétition? Pour le casier judiciaire tel qu'aujourd'hui il est rédigé, où vous pouvez vous retrouver une inscription de casier judiciaire pour une conduite en état d'ivresse, il faut quand même être prudent. Mais est-ce qu'un élu ne doit pas donner l'exemple? Si, mais enfin le fait, j'ai pris la conduite en état d'ivresse, il y a des tas d'autres choses, par exemple... Le fait de rouler bourré, c'est pas... mais ça montre aussi que nous sommes des citoyens à part entière et que lors d'un pas de famille, il se pourrait... Bon, voilà, bref. Voilà. Voilà, j'avais oublié de vous préciser, Guy Delcourt, il est député du Nord. Ce qui explique qu'il ne veuille pas se couper d'une partie de son électorat, c'est logique. Autre député du Nord qui cumule les risques, Daniel Fasquelle. Parce que lui, il est également trésorier du parti, les Républicains. Double risque, là. Attention, qu'est-ce qu'il pense de la pétition? Je suis contre le fait qu'on interdise à quelqu'un de se présenter de par le fait qu'un jour, il a commis une erreur pour laquelle il a été sanctionné et pour laquelle il a purgé sa peine. Parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Ça veut dire qu'une fois qu'on a commis un écart, donc... Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes trésorier des Républicains et que du coup, vous avez un risque d'avoir quelques affaires judiciaires? Moi, j'ai aucun risque d'avoir aucune affaire judiciaire. Fais pas trop ton malin quand même, Daniel. On en a connu qui fanfaronnaient avant toi. Alors, je vous rappelle que ce sont les mêmes députés qui n'hésitent pas à hurler au laxisme dès qu'un gamin de banlieue n'est pas écartelé en place publique quand il vole une mobylette. D'accord. Et je vous rappelle aussi que pour jouer à la baballe, Karim Benzema doit être un exemple pour la France selon ces mêmes gens. Ça, c'est important. Mais pour être un représentant du peuple, c'est marrant. On sent que Daniel, finalement, il a pas mal d'indulgence. Il faut aussi permettre à la personne de se réinsérer. Dans la politique? Mais dans tous les domaines. Parce que ça existe pour d'autres professions, c'est pour ça que ça existe pour les pompiers, par exemple. C'est peut-être, mais les pompiers C'est une carrière professionnelle. Quand on est élu, on est choisi par les électeurs. Oui, alors effectivement, alors peut-être faudrait penser à élire les pompiers. Hein, c'est pas con, ça. Hein, comme ça, ils pourraient exercer sans avoir besoin d'un casier judiciaire vierge. Il y a 396 métiers aujourd'hui qui requièrent cette garantie, dont agent de la fonction publique. Alors par exemple, si vous voulez bosser à la mairie de Levallois avec un casier non vierge, c'est pas possible, sauf si vous êtes maire de Levallois. Et là, c'est bon, hein, vous comprenez, c'est logique. Concluons donc avec le député Marc-Philippe Daubresse, du Parti Les Républicains également, hein, décidément, qui nous parle précisément d'un candidat à la présidentielle. Monsieur Juppé a été condamné pour des emplois fictifs, donc si cette peine s'appliquait, il ne pourrait pas être candidat à la présidentielle. Et alors, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense que c'est un peu lourd. Quand on connaît l'histoire pour laquelle Monsieur Juppé a été condamné, dont tout le monde sait qu'il a été... Il a payé pour les autres, Oui, donc vous voyez que... Posez la question français. Est-ce que vous souhaitez que les élus soient condamnés pour corruption? Vous répondre à 80% oui. Est-ce que vous pensez que Monsieur Juppé devrait être interdit de présidentiel? Ils vont vous répondre non, voyez. Ah, vous pensez? Oui, faites le sondage, on va voir. Eh ben chiche, le sondage est lancé, la pétition est assignée en ligne sur mesopinions.com, on en reparle dans quelques mois. En attendant, continuons hein, avec ces parlementaires qui ont au moins un avantage, quand ils votent des lois sur la délinquance, au moins, ils savent de quoi ils parlent. Guillaume Meurice. Joli. Avec la petite voix de Juliette. Oui, je ne peux pas plus m'en empêcher. Il a pas dit, ça venait de loin. C'est surtout qu'on sentait qu'il avait envie de le dire, puis il s'est dit, merde, ils sont en train de parler à la radio, je vais faire un effectivement. Mais parlons-en, tiens, des ministres ou du président qui prennent la peine de venir à la rencontre des Français. Et que font les Français? Ils les prennent à partie. Mais enfin, alors le gouvernement a le choix de se barricader ou de partir au front, dans la rue. Mais alors ça se prépare de façon offensive. Messieurs, laissez-moi vous soumettre mon plan de bataille. La politique et la devise de notre mission est excessivement simple. C'est adhérence et proximité. Approche tactique et mesurée de la cible se divise en quatre phases. Phase 1, exploration. Phase 2, cimentation et souscription. Phase 3, rapport quotidien de la mission. Et phase 4, symbiose absolue avec votre leadership. C'est quoi ça, leadership? Leadership. Et lui? C'est moi. D'accord. Ok, bon, c'est gravé? Any questions, gentlemen? Allez. Les portes de la gloire. Juliette, est-ce que vous croyez aux vertus d'une visite de ministre ou de président au contact des Français dans la rue? Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce indispensable? Qu'est-ce que je peux dire, étant donné que ça ressemble toujours à une espèce de sortie, justement, de visite de zoo? Je suis pas tout à fait sûre que ça soit très intéressant, ni pour les animaux, ni pour le visiteur. Donc vous n'êtes pas convaincue? Non, pas du tout. Vous avez vu le dessin de Fred Touron ce matin dans Le Canard Enchaîné, qui est absolument irrésistible. Ces deux types, genre CGT T-shirt, qui attrapent Macron et puis qui lui disent « casse-toi, pauvre con ». Et puis il les regarde avec l'air déprimé et puis il fait « mais je suis pas pauvre ». Et j'ai eu une autre chose aussi qui m'a beaucoup fait rire sur Twitter. Allez-y. Une tweeteuse qui s'appelle Karima B, je crois, et qui a tweeté un truc très drôle en parlant de cette histoire de Macron quand il a pris un œuf, en lui disant c'est très bon pour les cheveux mais n'oublie pas de te les laver à l'eau froide parce qu'à l'eau chaude ça brouille. Effectivement, quand on prend un œuf, faut bien penser à se les laver à l'eau froide. Donc il y a des fois où c'est peut-être sinon mieux. Après t'as une omelette sur la tête mais c'est moyen moins ça. Donc il y a des fois où il vaut mieux peut-être rester dans son bureau et bosser. Bah de toute façon, je pense que c'est ce qu'ils font le mieux, enfin j'ai rien dit. En tout cas, sachez que Pascal Boitard n'a pas de problème quand elle descend dans la rue. Elle est secrétaire d'État aux personnes âgées. Ah oui, on n'entend pas beaucoup. Elle crâne pas. Hein, elle fait pas de sortie, voilà. Et puis donc elle la ramène pas et elle peut aller. Ceci étant dit, c'est à ça qu'il faut en venir aussi, c'est qu'il y a ces hommes politiques qu'on voit beaucoup dans les journaux, machin, qui ont des grands postes et tout. Puis il y a des hommes politiques et des femmes d'ailleurs, n'oublions pas, qui sont au contact des gens tout le temps députés qui font très bien leur boulot, etc. Je veux dire, moi, je suis pas du genre à cracher sur la politique en 100%, quoi. Je pense que des gens qui font ça, de droite et de gauche d'ailleurs, par conviction, par envie d'aider leurs citoyens, ce qui est quand même bien un sûr, petit peu la base. Il y en a plein qui nous écoutent, des élus locaux, des conseils régionaux. Mais bien sûr, non, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, mais quand effectivement Monsieur Macron descend dans la rue alors qu'il vient de lancer un mouvement soi-disant pour aider Hollande, alors qu'en fait c'est cousu de fil blanc, on se doute bien qu'il roule pour lui. Il a jamais été au contact, il a jamais été élu, cet homme-là. Il sait pas ce que c'est une campagne. Il est novice en politique d'ailleurs, complètement. Il y a un peu de provoque et il se l'est pris dans le nez, quoi. Il a pas su gérer du tout cette chose-là, comme Sarkozy à un moment n'a pas su gérer des agressions. On a tous en mémoire les formidables mots de Jacques Chirac qui se fait traiter d'enculé et qui répond enchanté, moi c'est Jacques Chirac. voilà quoi, c'est tout. Il faut avoir du répondant aussi. Il y a des gens qui sont brillants, qui se sont rompus à cet exercice et puis d'autres non. Donc rentrez chez vous, restez dans vos bureaux, effectivement. Merci Juliette. On passe à Juliette. Ouais. Ah, bien joué. Alors j'avais prévu de vous causer de la bio de Mathusalem. Hein, c'est un personnage de l'Ancien Testament, 969 ans quand même. Il a notamment eu un fils, Lamech, ceci à l'âge de 177 ans, belle perf. Mais surtout, un petit-fils archi-célèbre, Noé, le mec qui a quasiment inventé un concept qui a considérablement enrichi Hollywood, j'ai nommé la fin du monde. Ah, tout le monde va mourir. Et puis finalement, non, ça va, les gentils s'en sortent. Et puis finalement, contre toute attente, j'ai préféré la bio de Janis Joplin par Jean-Yves Rezeau. Alors, je vous vois venir, Charline. Non. Il y a moins d'eau que chez Noé dans la bio de Janis Joplin. Et moi, vous savez, l'eau, bah oui, c'est pas mon hobby. Donc je vous vois venir, Charline. Ah ouais, d'accord. Quand avec Noé aussi, il y avait un petit peu de vin, hein, quand même, hein, je précise. Oui, après. après. Donc je vous vois venir, Charline. Ah ouais, d'accord. Juliette Arnoux, vous êtes une grosse feignasse. Janis Joplin est morte à 27 ans. La biographie doit faire 2,5 pages. C'est pas comme ça que vous allez rentrer à l'Académie française. Roulez-vous dans votre honte. Et là, je vous arrête. Ceci est un livre, somme toute, assez copieux. Mmh. Extrêmement bien documenté sur une chanteuse qui, en plus d'avoir propulsé les femmes dans le rock, hein, et plus seulement la folk ou le blues, incarne la liberté par son style de vie, tout ça dans une époque musicalement dingue. Et que raconte merveilleusement Jean-Yves Rezeau? Comment San Francisco, pendant quelques années, fut le royaume des beatniks puis des hippies, et comment Janis Joplin en devint la reine. Janis Joplin, c'est l'ambivalence. Elle est blanche sudiste, mais elle a appris seule à chanter en écoutant et en contrefaisant des chanteuses noires de blues comme Bessie Smith. Elle pratique l'excès bourbon, drogue, amant et maîtresse comme personne. Même Jim Morrison avait du mal à suivre. Elle choisira de chanter parce que, et je la cite, « le chant vous propulse hors de vous-même plutôt que de peindre ». Mais toute sa courte vie lira assidûment et écrira de longues lettres à sa famille beaucoup plus conservatrice restée au Texas. Elle s'habille avec outrance, mais refuse catégoriquement le maquillage, même en télévision. L'auteur insiste donc sur un moment, le moment symbolique de la mue, la naissance. Donc non, alors non Alex, pas celle de 1943, que ses parents n'ont pas jugé utile de filmer et rendre public. Hein, autre temps, autre mœurs, non, sa naissance d'artiste en 67. 1967, c'est pas compliqué, c'est l'année des femmes en musique, je pèse mes mots, la preuve. Michel Thor remporte le Grand Prix d'interprétation de la chanson au Japon. Ah là là, vous savez me parler. Non, plus sérieusement, 1967, c'est l'année du premier festival international de musique pop de Monterrey. Alors tout le monde est à fond de hippie, d'espoir d'un monde meilleur, moins con et plus joli. Il y a Hendrix, il y a The Who, Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, Ravi Shankar, The Bird, Otis Redding, Buffalo Springfield, The Grateful Dead. On n'étouffe pas de meufs. Sauf, justement, cette jeune inconnue appelée Janis Joplin qui chante dans un groupe d'hommes appelé Big Brother and the Holding Company. Alors elle a 24 ans, elle n'est pas trop bien sapée, ça vous pouvez le savoir en regardant les images sur YouTube. Elle commence son truc à demi paralysée de trouille, petit à petit elle s'enflamme et tous les spectateurs avec, même nous donc devant YouTube, et on tombe en sidération. On entend même Mama Cass murmurer « Wow, that's really heavy ». En gros, ça c'est du lourd. En chantant « Ball and Chain » ce jour-là, Janis Joplin rend hommage à son auteur-compositeur Big Mama Thornton, une chanteuse de blues, noire, aussi imposante d'apparence que talent, et qui en 1953 avait offert au monde Hound Dog, qui ne deviendra un hit qu'interprété par un homme, blanc, c'est doué certes, mais sans la moitié du sens de son swing. Il me paraît important de rappeler que Big Mama Thornton aura touché en tout et pour tout $500 de droits pour cette chanson. Oui, il y a plus compliqué que d'être une chanteuse, il y a être une chanteuse noire. Mais revenons à Monterrey 1967. Lorsque Janis Joplin reprendra Ball and Chain, elle s'inscrit dans une des grandes traditions du blues, le chant de l'amoureuse blessée, déchiquetée, massacrée, mais qui se cramponne. Et t'explique même ce qu'il peut y avoir de dignité dans l'indignité. Aimer un homme qui ne vous aime plus, l'aimer quand même et le bramer. Lisez cette bio, réécoutez Janis Joplin, cette âme de 27 ans qui n'en finit pas de brûler et de nous brûler. Waouh, wow, Juliette Arnaud, vous avez enflammé la chronique littéraire et musicale. Hein, ça vous a parlé, Juliette et André Manoukian? Ouais, ouais, ouais, ouais. On y était, ouais, ouais. Les gérer, ça donne envie. C'est 71, le Grand Prix au Japon pour Michel Thomas. Non, mais Juliette... Essayez pas de m'arnaquer. Très bien, formidable. Est-ce que vous pouvez rappeler les références du livre? Alors, en plus, c'est un livre qui ne coûte pas cher, puisque c'est un livre de poche, c'est chez Folio Biographie, et l'auteur, c'est Jean-Yves Rezeau. Et le titre, donc, Janis Joplin, tout simplement. Merci Juliette Arnaud. Allez, troisième sujet avec Juliette. Décomplexés aussi sont les artistes indépendants. Oui, certains assument leur penchant pour la variété française. C'est pour vous, Alex. Avec des reprises de Balavoine, de Clo-Clo ou de Patrick Juvet, la variété française, ce n'est pas quelque chose qu'on vit à moitié, d'ailleurs. Tiens-toi bien, j'ai tous les costumes de toutes les émissions de variété de Mariti, Gilbert Carpentier. Carlos, 74. Suite la Claire, 78. Michel Fugain, 73. Touche. C'est la sauce sauvage. Il aurait jamais dû arrêter le Big Bazar, Michel Fugain. Moi, j'aimais bien quand il dansait avec ses bottes qui lui arrivaient jusqu'aux couilles. Alex Vizorek dans Podium. C'est un article que vous pouvez lire sur slate.fr qui nous explique que la variétoche est réhabilitée par des artistes indépendants qui reprennent par exemple plusieurs titres de Balavoine. Il y a des compiles aussi, il y a un mouvement donc de véritablement de réhabilitation. Pourquoi est-ce que ce serait un peu ringard la variétoche et pourquoi ce serait chic de la récupérer et de se repencher dessus? C'est une question que vous me posez comme ça, brûle pour point. Ouais, c'est pas évident, Non, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a un vrai truc, c'est que ces chansons, il faut laisser du temps au temps toujours. Ce qui va devenir la culture de demain, c'est en train de se faire en ce moment, et c'est pas nous qui allons décider. On va pas dire aujourd'hui, ça c'est génial, dans 50 ans on l'écoutera encore. On n'a aucun pouvoir de ça. Et effectivement, moi je suis d'une génération, on ricanait quand on écoutait Dalida, qu'on trouvait complètement ringarde, et Claude François. Et puis, ma foi, il y a des gens qui ont écouté ça, il y a des chansons qui existent, il y a des gens qui ont envie de rechanter ces chansons parce qu'elles ont été berçante pour eux et culturellement importante, et c'est ça la chanson, et c'est ça la chanson populaire, et donc il y a rien à dire là contre. Moi j'ai jamais aimé Dalida, mais quand j'ai entendu François Morel chanter Moi je veux mourir sur scène, j'en ai pleuré parce que c'était magnifique. Ouais, il a fait une reprise d'une intelligence formidable, et il y a tout un et parce que cette chanson existe, et effectivement on peut sortir, on a le droit d'aimer un artiste ou pas. Et encore une fois, je pense que ça c'est le recul du temps, c'est-à-dire que aujourd'hui personne, aucun critique, même le plus pointu, ne peut décider qu'est-ce que c'est qui va marquer notre époque. Et qu'est-ce que c'est qui, dans 20 ans, aura marqué les gens à tel point que dans 20 ans, des jeunes les reprendront, ces chansons-là. Un chanteur ou une chanson qui est, c'est un peu inavouable, mais vous aimez? J'avoue absolument tout. Pour mon prochain album, et d'ailleurs je l'ai déjà fait sur scène, je chante Les Corons de Pierre Bachelet, dans une version absolument merveilleuse. Je le dis parce que c'est moi qui l'ai faite. Non, dans une version que j'entendais depuis très longtemps de cette chanson, qui pour moi était une berceuse, que quelqu'un raconte à un enfant, voilà d'où je viens, voilà qui je suis. Les Corons. Au nord, c'était Les Corons et le ciel, c'était l'horizon. Donc, dans une voix de berceuse, dans une chanson de berceuse. Pas du tout comme l'hymne de Lens, évidemment. Pas dans la version footballistique, évidemment. Qui fout les poils, mais qui peut être aussi très émouvante. Et le propre d'une chanson, c'est qu'elle porte beaucoup de choses. Quand vous avez eu un débat assez houleux avec M. Zemmour, sur la perte de la virilité des mâles français, vous n'êtes pas concerné, mon cher Alex. Parce qu'il n'est pas français. Mais je sais, je suis pas français. C'est pour ça, je sais bien, il n'est donc pas concerné. Et M. Zemmour mettait ça sur le compte d'une chanson, de deux chansons. Il parlait des divorcés de Michel Delpech et justement une chanson de Balavoine qui est de divorce aussi d'ailleurs. Mon fils, ma bataille. Ouais. Et c'est une chanson, Mon fils, ma bataille, que j'exècre. Tous mes musiciens le savent, d'ailleurs, ils la planquent dans tous les arrangements pour me faire chier. Dès que je la reconnais, ça me rend folle. Mais c'est mon goût. Et cette chanson-là, lui, la vit comme un truc de perte de repères macho, machin, etc. Les hommes qui s'écrasent. Alors que pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est une chanson masculiniste. Donc vous voyez qu'une chanson, on peut lui faire dire tout et son contraire selon comment on l'entend. Une vraie chanson populaire. Et on a bien fait d'aborder ce sujet. Ouais. Merci Juliette. L'exercice de fin d'émission, c'est le rôle dans un sketch que je vous donne. Attention, oui. Il arrive. Le Parisien nous fait remarquer que François Hollande décerne énormément de récompenses. 357 récompenses en 4 ans. Des légions d'honneur. Des légions d'honneur, évidemment, des décorations. Alors comment c'est fait? Juliette, vous êtes responsable du protocole. Guillaume est François Hollande. Oh. Et on se rend pour voir comment il décide. Oui, alors, Soulage, c'est fait. Il me reste Geoffroy Didier, Casimir... Monsieur Hollande, je vous rappelle que vous avez entretien avec Monsieur Valls dans 5 minutes. Ah non, je peux pas, j'ai Légion d'honneur. Et le Conseil des ministres demain? Non, je peux pas, j'ai Légion d'honneur. Ah bah jeudi, vous avez poney. Ah non, je peux pas, j'ai Légion d'honneur. Mais vous n'arrêtez jamais, vous voulez récompenser tout le monde. Monsieur, je vous apporte l'aquarium. Ah, très bien, mettez-le là, j'ai mis les noms sur les boules. Voilà. Non mais c'est quoi ça? Allez, Jackie, on y va. Allez. Mais c'est un poulpe. Oui, c'est Jackie le poulpe. Oui, c'est lui qui m'aide à pronostiquer. Vous voulez dire que vous pronostiquez l'euro, là? Non, l'identité du prochain ordre du mérite. Mais alors vous le donnez à n'importe qui, donc? Ah, mais c'est pas moi qui ai commencé. Oui, c'est vrai. Vos prédécesseurs ont même filé l'ordre du mérite à Juliette, alors. Oui, c'est pour vous dire. Ah, alors, à Jackie, un nouveau nom. À de la musique. Adèle. Pourquoi pas. Après McCartney pour l'ensemble de sa carrière. Adèle des To Be Free. Bonne idée. Ce sera pour l'ensemble de sa carrière aussi. Oui, mais enfin, il a eu une carrière plus courte. Oui, mais c'est pour ça qu'on le félicite. Ah, monsieur le président, Jackie a deux nouveaux noms, là. Ah, alors, Enora Malagré et Tataillé. Ah, bah, ils vont être contents. Génial. On dit merci qui? On dit merci Jackie et François. Jackie a pioché notre boule. Ah non, alors regardez. Ah oui. Jackie voudrait récompenser Valérie Trierweiler. Ah non, je vais pas la décorer, elle. Non, j'ai déjà du tout redécoré l'Elysée quand elle est partie en fracas. Oui, mais c'est Jackie qui a décidé. Monsieur. Oui, mais parfois il fait des blagues. Ah, ça explique pas mal de choses. Voilà, bah oui. Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, c'est lui, oui. Mimi Mati. Oui, c'est lui également, oui. Et oui, alors, oui. Le prince saoudien, là, j'imagine. Ah non, ça c'est une idée de moi. Mais vous êtes encore meilleur que Jackie. Oui, en effet. Jackie, tu vas plutôt retourner à tes anciennes occupations, hein, ce sera bien fait. Et il travaillait où avant? C'est lui qui a aidé Myriam El Khomri à rédiger la loi. Merci. Et Guillaume Meurice progresse en imitation. Hein. Oui, oui. Ça, vous avez bien donné la réplique. Mais... Nicolas Canteloup, prends garde à toi. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Bon, disons à tous nos auditeurs qu'il y a une tournée qui est prévue. À partir de mars prochain, je pense. Voilà, mars ou avril, enfin, on n'est pas à deux jours près. Hein. Avec des inédits, et ça fera un album plus tard. Après, exactement. Très malin. Voilà. Chouette. Et puis, vous mettez en scène le prochain spectacle de François Morel aux Têtes du Rond-Point. Je rappelle que votre dernier album, il s'appelle Nour. Il est sorti en 2013. On peut toujours le réécouter, bien sûr. Même ceux d'avant. L'intégrale qui sort en octobre. Ah, c'est juste, bon, très bien. Et voici le mot de la fin. Enfin, voilà révélé la manière dont Nicolas Demorand briefe son équipe le midi en terrasse. Phase 1, exploration. Phase 2, cimentation et souscription. Phase 3, rapport quotidien de la mission. Et phase 4, symbiose absolue avec votre leadership.